payofandi kuna na lola yambali bonza na memelio na nyoso salila na ya malamu na zanginini na pesa na yo kolo na lela nalela ningyo lelo pangusi pinzoli na ngae. Toi qui fais de bonnes choses en son temps, lelo ekomi pe tango na ngae. Sois le maître de temps et des circonstances, lelo suki si pasi na ngae. Kwa vizuri vyote ulinitendea, minashinda nini kupe baba. Nililia, nililia, minalia sana, leo nakausha machozi yangu. Toi le consolateur des âmes abattues, lakini leo ni siku yangu. Tu es le réparateur de vie. Chama teu sonhado. Sing a yeah. koboka ponzele tondaki mabulu ndebipai miso na yo epona etala ngai osiminga lokoko mandisinga na mikolo qui donne, c'est que nos cœurs désirent. Même quand il nous les donne, il n'attend rien qu'en retour. Tu es le seul qui donne, c'est que nos cœurs désirent. Même quand tu nous les donnes, tu n'attends rien qu'en retour. Oh, l'ingolele, qui est un ici n'a mal le bas. Ah, tu es un alobite, mon akakayete, le seul qui donne, c'est un cœur désir. Et même quand tu nous les donnes, il n'attend rien en retour. Tu es le seul qui donne, c'est un cœur désir. Et même quand tu nous les donnes, tu n'attends rien en retour. Bolingona yele ki, ezangi singa maloba. Atoyo na lobi se mona kaka ete na lobi. makama ezimelo motuya kolela nanga ebongwane sango lelo liboso ya basantu ngana memeli yo action regard.